Dans sa 9e promenade, Rousseau revient sur une question pénible dont il a déjà parlé dans ses confessions. L'abandon de ses 5 enfants qu'il a mis, malgré lui, aux enfants trouvés, équivalent de notre actuelle assistance publique. Cependant, il éprouve beaucoup de tendresse pour l'enfance et a toujours énormément de plaisir à voir et observer la jeunesse, comme en témoigne cet extrait de cette 9e promenade.